Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 février au 6 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Salut Stéphanie. Allô Mathieu. Aujourd'hui au Palmarès C'est fou, on a trois nouvelles entrées. Hein. Tu sais, il y a des semaines qui sont remplies de 14 nouvelles entrées. Comme la semaine passée. C'était pas 14, mais c'était à peu près. C'est proche. Là. Cette fois-ci, seulement 3. C'est pas beaucoup, mais c'est de bonnes choses, par contre. Oui, tout à fait. Ouais. On va voir plus tard Chinatown et Mother Mother. On va débuter avec Mono Grenade et M'en aller en 20e francophone. Et reste avec nous parce que plus tard dans l'émission, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a? Il va avoir la chronique Guess What avec les nouvelles artistiques et culturelles. Oh? Il va aussi avoir le meilleur moment d'assemblage requis. Oh? Un instant classique. Hey, tu parles d'une affaire, toi. Et on va pas oublier de faire le tour des palmarès non plus. Non plus? Non, non. On va le faire rien. Cette semaine. On va tout faire. On ne sautera pas d'étape, ce qu'on fait assez fréquemment. Alors, on commence par la 20e francophone. Comme je disais, voici Mono Grenade et M'en aller. Dans les palmarès, c'est fou, au 89 FM. We'll be right back.

Chinatown et la pièce Tant pis pour moi, nouvelle entrée en 19e position franco. Avançons de sauter par-dessus le côté anglophone de Rescue avec Televised. Et c'est déjà tout pour les nouvelles entrées, assez étonnant. D'habitude, on prend la première heure au complet, puis les dernières semaines, il me semble, avec les nouvelles entrées. Oui, c'est vrai. Ça a pris 15 minutes environ. C'est tout. À peu près, à peu près. Mais c'est quand même le temps de sauter par-dessus les choses, hein? Parce qu'on a une émission de 3 heures et 40 pièces, ça ne rentre pas. On va sauter par-dessus les positions 18 et 17. En 18e anglo, c'est Black Mountain avec Buried by the Blues. Et en franco, c'est Chromeo avec J'ai claqué la porte. Et pour la 17e position, c'est Christopher Dillion avec Gonna Move à la 17e position qui reste stable. Et côté francophone, c'est Cafard avec la pièce Halogène qui baisse de 7 positions. C'est quand même sa 8e semaine. Mm-hmm. On va se rendre aux positions numéro 16. Du côté anglo, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de 2 places. Thrones par The Deers. Et côté franco, c'est on commence la partie avec Résistance 2.1. Ils sont bien plus avancés. 2.0, c'est l'ancien modèle. Hey. 2.1 qui monte de 3 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. On écoute ça au palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89.1 FM. Si t'es comme moi, d'envie et des fois où t'as envie des fois, n'importe quoi. Montrer tes points au monde devant toi. Vas-y, élève ta voix et pose tes choix. Deux, trois coups de batte, une coupe de quatre. Un coup de batte, quel fuck c'est quatre. Une deux de batte, tu peux faire ta place. Il faut juste que t'affasses, mais tu laisses ta trace. Choisis ton corps dans nos rangs et vivant au moins sur ton divan. Devant le vide, on devance la vie de façon élégante. On veut être des légendes, sortir des rangs. Se faire entendre, c'est un peu méchant, mais on va péter des dents. Vous rentrez dedans, comme cet éléphant. On prend notre élan, on va jeter les gants. Notre avenir en dépend. Si t'as ce qu'il faut, tu vas sortir de l'eau. Si t'as ce qu'il faut, tu vas partir à go. Si t'as ce qu'il faut, tu vas sortir du lot. Si t'as ce qu'il faut, tu vas partir à go. Si t'as ce qu'il faut, tu vas sortir de l'eau. Si t'as ce qu'il faut, tu vas partir à go. On commence la partie, le dans les points, fais ton chemin. On commence la partie, là où les gens s'enfuient. On fout le bordel, on touche le ciel. La game est pas fini, on commence la partie, le dans les points, fais ton chemin. On commence la partie, là où les gens s'enfuient. On fout le bordel, on touche le ciel. La game est pas fini, on commence la partie, le dans les points, fais ton chemin. On fout le bordel, on touche le ciel, on touche le ciel. On fout le bordel, on touche le ciel, on touche le ciel. On fout le bordel. Dans les points, fais ton chemin. On commence la partie là où les gens s'enfuient. On fout le bordel.

Samedi, le 19 mars à 20h, le Centre culturel Pauline-Julien de Trois-Rivières présente le Bio-Bazar Bazar. Un spectacle multidisciplinaire regroupant musique électro, trance, jazz, performances d'impro musicale, projections vidéo et captations live. Venez découvrir un univers intense et festif où se côtoient Danny Janvier aux machines, François Boutin à la trompette, Charles-André Lambert aux instruments à cordes et Christian Laflamme aux percussions. Pour achat et réservation, sur le net, ovation.qc.ca, à la billetterie de la salle chez Antonio Thompson, par téléphone au 819-380-9797 ou à la porte le soir du spectacle. Le Bio Bazar Bazar, le samedi 19 mars à 20h. À l'UQTR, c'est tout dans vos oreilles. Numéro 15. Ouais, ça va faire changement des blocs de 4 pièces, comme tu dis. C'est ça quand on saute 5 pièces à la place. Plus de temps pour parler entre. Oui, c'est le fun. On se sent moins pressé. Moins stressé. C'est relaxant. Et moins stressant aussi, parce que... Ouais, quand je parle vite, hein, je suis stressant. C'est ça que tu veux me dire, hein, que je suis stressant. Non. Là, les insultes à matin, là. Hein? Non, tout le monde t'aime, Mathieu. T'es si bon. Oui. C'est ça. D'une extrême à l'autre, les deux sont pas tant crédibles. Mais bon. On est rendu. On va dire qu'est-ce qu'on a entendu avant. Je pense que ça va avoir du sens. PS I Love You, c'est l'idée de venir entre les blocs. C'est pour dire ce qu'il a joué. PS I Love You avec Face Love en 15e position anglophone. Ça descend de 4 places. Et avant, c'était Jean-Philippe avec la pièce Envie de rien de son album Le Bout du Monde. On est rendu aux positions numéro 14. Du côté anglo, ça va être Herozetta avec Your Spring qui monte de 5. C'est bon, ça. Oui, c'est bon. Je me suis procuré l'album cette semaine. Oui, tu t'es procuré l'album cette semaine. Et on va entendre une autre excellente pièce. Je pense que c'est le groupe que je vote pour eux autres pour les Francouvertes. C'est Les Incendiaires. Ou sinon, Karim Ouellet aussi. Ah, le choix est difficile. Ah, tellement. Bref, on va aller entendre la pièce Amant d'immeuble en 14e position. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. Ah, c'est fou, 89.fm. Ah, c'est fou. Non. Chercher des trous noirs sous ses couvertures, frémir les ténèbres, s'y laisser en abîme, clandestinement, car

La pièce Year Spring de Heroes et Temps, position numéro 14 anglophone, ça monte de 5 places. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Seeds. Mais avant, du côté franco, on a entendu Les Incendiaires avec Amande Immeuble. Ça descend de 7 places, malheureusement, sur la compilation 15e édition des Francouvertes. Vous êtes toujours au Parleur assez fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fort à vous offrir. On approche de la moitié du palmarès, bientôt. Hein? Mais là, on est rendu au 13e. Du côté anglophone, c'est The New Pornographers. En fait, je disais, on est proche de la moitié. C'est pour remplir du temps, c'est parce que j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Hein? On est même pas proche de la moitié, c'est comme à 6 pièces de. Mais bon. Côté anglophone, c'est The New Pornographers avec Moves. Ça monte d'une place, mais on débute avec Peter Peter. Nouvelle entrée de la semaine passée, ça monte de 5 places. Voici Homa, 89 FM. C'est fou. Quand Stéphanie n'est pas là, je dis n'importe quoi. Je laisserai les marées passent me raconter jusqu'à chez moi, j'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable, elle est inflammable. Maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, oh ma. Chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma maison qui brûle, je fume ma peau. Numéro 13. Clean. So to sing along, turning over. The New Pornographers avec la pièce Moves à la 13e position côté anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Peter avec Oma. Ça monte de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. Est-ce que t'es capable de le dire sans petit accent? Peter. Non. J'essaie, mais je suis pas capable. Peter. C'est ce que je me dis. Ah ouais. Peter. Peter. C'est un peu ça qui est écrit, là. Un peu, hein? ceux qui sauraient pas, mettons, c'est peut-être ça aussi, là. On sait pas. Personne nous a dit que c'était vraiment Peter. Puis Peter, ça chante en français. Ben oui. Bon, donc c'est la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou, il y en a une deuxième qui s'en vient dans quelques minutes à peine. On va avoir la musique, entre autres, de Rara Riot, Wolf and Cub, Armistice. Jérôme Dupuis-Cloutier, Alex Nevsky. Love, avec mon beau chandail d'Alex Nevsky. Oui, couleur saumon, d'ailleurs. Couleur saumon. Ça te fait bien, le couleur saumon? Merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Ça me fait bien du Alex Nevsky, que veux-tu? Sur ton corps. À mon bras. Oui. Oh. Restez là. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour tous les membres de la famille. Un milieu dynamique, une occasion de se retrouver entre amis. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un même toit. Le CAPS de l'UQTR, c'est des programmes d'entraînement qui répondent à vos objectifs. Du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour une information à jour, visitez lecaps.uqtr.ca. caps.uqtr.ca. Hey, j'ai juste allé chercher ma carte de membre Allostop au 30 des Forges. Génial, je m'en vais m'en chercher une. Avant d'aller la chercher, va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. Aider l'environnement tout en économisant. Covoiturer. Allostop, vert depuis 1983. C'est fou dans vos oreilles. 89. Bon, c'est la deuxième heure des Palmarès. C'est fou pour la semaine du 28 février au 6 mars 2011. C'est Stéphanie Gagné. Et lui, Mathieu Plante. Ah, moi, ça? Oui. Moi? Toi! Ah! Mathieu Plante! Ah! Moi, j'écoutais, c'est fou, j'entendais tout le temps Mathieu Plante parler, je me disais, crime, il a l'air sympathique, puis en fin de compte, c'est moi! Eh ben! Bon. Tout à l'heure, au début de cette deuxième heure, il va y avoir à la chronique un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Le genre de blague que je viens de faire là, très drôle, là. Et le genre de rire que tu viens de faire là, très drôle aussi. T'as même pas un rire, j'ai juste dit yoï! Ok, mais ça avait l'air de. Donc, tantôt. Un instant classique. Je me rappelais plus où était ma phrase à ce moment-là. Elle sera sans fin, c'est ça. on est rendu aux prochaines positions, c'est-à-dire les 12e du côté anglo. C'est Danko Jones avec Tonight is Fine. Ça monte d'une place, 3e semaine de présence. Et côté franco, c'est Il danse avec les genoux avec la pièce La Grande Chef qui descend, mon Dieu, de 9 positions. Et quelle est grande chute pour la chef. Si elle est grande, ça doit faire mal, chuter de... Tant de pièces. Ouais, c'est ça, genre... Comment, la météo en haut et comment, c'est genre les blagues de grandes personnes, ça m'énerve. Ouais. Je suis numéro 12. Night is fine! Oh oui, de Danko Jones, position numéro 12 de l'album Below the Belt, et ça, ça monte de une place. Et avant, sur la compilation des francs ouvertes sur la 15e édition, il y a Il danse avec les genoux avec la pièce La Grande Chef, qui est à la 12e position francophone. Tout à l'heure, on va avoir Jérôme Dupuis-Cloutier et Armistice, mais avant ça... Avant ça... Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, attends un peu, qu'est-ce qu'on pourrait passer le temps, mettons... Écouter jouer des niaiseries... OK... Jouer aux élastiques, là, tu sais, avec les doigts, là. Non? Dans le temps? J'ai jamais appris à faire ça comme non plus. Ça, là. C'est non. Dur. Ouais. À la place, on devrait aller écouter les meilleurs moments, les niaiseries, comme. Ouais, c'est ça. Voici les meilleures niaiseries d'assemblage requis pour la semaine du 28 février 2011. Est-ce que c'est tombé dans l'œil, François? C'est ça l'affaire. Ouais, exactement. Vraiment. Je te fais de l'effet. Oui. Est-ce que tu veux que je te souffle dans l'œil? Non. Non, t'as un poil, hein? Non, non, j'avais une croûte. Une croûte de sommeil. Ce qu'on appelle un Ice Krispies. Un Ice Krispies. L'Ice Krispies. Deux. Ça fait deux commentaires pour une seule et même émission. Qui est? Assemblage requis, deux mots. Okay. Et deux animateurs, François-Louis Marchand et Mathieu Plante. Mais ça, c'est trois prénoms. C'est vrai. Ça devient mêlant. Deux noms de famille. Avec des musiciens en perforation. Perforation. Ils vont trouver des feuilles. Hey, on dirait que je sais pas comment. Performance. C'est ça. C'est dur. Hein? Oui. Oui. Félicitations, Patricia Paris. Paris Patpat. Non, Patricia Plante. C'est ça, Patricia. Patricia Paris. Paris Patpat. Patricia, leur surnom en anglais, c'est Patty. Patty. Tu savais ça? Non. OK. Et ça peut être aussi Pat. Pat. Patty Pat Pat. Patty Pat Plan. Pat Pat Plan. Pat Plan. Voilà. Tu vas t'en remettre, ça va, François? Une chance qu'on ait une longue intro. Une chance que l'intro dure comme 15 minutes avant de démarrer. François se remet de ses périples, ses péripéties. Oui, un petit problème de gorge ce matin. Ah ouais, pas plaisant. On est seul parmi la semaine de relâche. Ah, j'y pense même pas. Pour moi, la semaine de relâche, à 7h le matin, elle ressemble pas mal à une semaine normale, je dirais. Mais plus tard dans la journée, ouais, on va voir la différence. Toujours, comment s'emmerder assez fou? Comment s'emmerder? Ah, c'est fou, mais qu'est-ce que tu veux dire, Mathieu? On essaie, j'essaye, moi, d'écouter C'est fou pour trouver ça plate. J'essaye vraiment. Okay. Mais je suis pas capable, parce que c'est toujours bon. Ah, t'as raison. Bonjour! Bonjour, bon matin! All right! On n'a pas de François Landry aujourd'hui. Non, cette valeur, c'est vraiment plate. On l'a égaré tel. Des parents dans un centre de fond. On l'a perdu pour la semaine de relâche. C'est ça. Il est dans la section des brassières, en arrière de le rack, en tout cas. Il est perdu quelque part dans le magasin. On verra s'il va retrouver son chemin. Non, peut-être. Mother Mother que t'aimes bien. J'adore Mother Mother. Ça s'appelle Oh My Heart. My heart. La chanson était pas pire, mais... Ça, c'était moins pire. Tu voulais pas me dire des petits mots, hein? Mots d'amour? Ouais. Ouais, mais... Comme... Tu veux que je te dise ça micro ouvert? Ouais. Ça peut être gênant. Ouais, mais là, retiens-toi un peu. Ouais. Vas-y avec tes premiers mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. T'es-tu rasé? Non. Non? Non. Ah. Ouais. Je le fais pas assez souvent, hein. Une fois par semaine, moi, c'est dimanche. Ah ouais, c'est le jour du Seigneur. C'est donc, ça. Donc, t'en profites, tu soulignes ça à ta façon. C'est mon jour anti-Seigneur. Le Seigneur porte une barbe, je me rase le dimanche, ça a bien du sens. Ah non, je parlais pas la face. Essaye de me retenir, j'ai pas été capable. Celui de mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Main. Main, évidemment. Main. Ah, main. Main. Ah. Ok. Et non, pas mort. Non, parce que là, c'était un petit peu déprimant, je trouvais. Ouais. C'est le moment de passer à notre grand concours. Roulement de tambour, là, je voulais faire un roulement de tambour, mais ça ressemblait nullement à ça. Attaque. Ah, ouais? Ouais. Ah, ben, c'est pas quelqu'un qui danse la claquette, ça? Peut-être. Tap. Bon! Mais t'as pas le droit, t'es un employé, c'est fou! Ah, ouais? Il est où mon chèque? Ah, il est normal. Ouais, oh, c'était envoyé, tu l'as pas reçu? Miam, miam. Simon fait juste des sons, mec. Ouais. C'est la beatbox. C'est fou, on n'a pas le budget pour se permettre une boîte de son. Tu sais, où il serait comme des subs, des wouhou! Des on n'a pas ça. Donc, Simon va faire le soundboard. On s'y croit vraiment, on se croirait sur place. Ah hein. Mm-hmm. Oh, ben, c'est un genre. Donc, c'était un genre cette semaine-là. Yeah! Hey, nous aussi, on a Simon Fitzbay en studio pour faire nos sons. C'est n'importe quoi. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 28 février 2011. Vous pouvez nous écouter en direct du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Yves Marchand et moi-même Mathieu Plante. On a du plaisir. Il nous en faudrait un petit beatbox comme ça. À chaque fois que tu dis une joke que personne rit, il y aurait un « ah ah ah » une foule qui rit en arrière. En fait, c'est un peu ta job, là. Ouais, mais je serais pour une personne. Ça a juste l'air idiot. Ouais. On est rendu à 11e position, avec ça? Oui, du côté anglophone, c'est Armistice avec Mission Bells. Ça monte de 9 places, c'était le vôtre la semaine passée. Et côté franco, Jérôme Dupuis-Cloutier avec la pièce Homme d'instinct qui monte de 2 positions. Vous êtes au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir.

Mission Bells d'Armistice en position numéro 11. Ça monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée, ça. Et avant, c'était Homme d'instinct de Jérôme Dupuis-Cloutier de son album Gentleman Refroidi. Oui, Refroidi. J'aime son titre d'album, c'est cœur. Hein? Et son nom toujours aussi difficile à retenir. Jérôme Dupuis-Cloutier. On commence à l'avoir. Tu sais, ça fait combien de temps que c'est sur le palmarès, là, si on additionne celle-là qui fait 3 semaines, plus l'autre qui a duré une bonne dizaine de semaines? Ouais. On s'habitue tranquillement pas vite à Jérôme Dupuis-Cloutier. Bon. On est rendu position numéro 10 du côté anglophone, c'est Rara Riot avec Massachusetts, c'est sa descente d'une. Et on commence avec un de mes amours, je l'adore, Alex Nevsky. Je pensais que t'allais faire une petite remarque, là, au moins. Non. Son pad. Il m'a convaincu que des pads, c'est hot. Ça revient à la mode. Ouais, j'ai plus rien à dire contre les longueurs maintenant. Plus rien. Non. Non. Bon, ben, je vais prendre ta place là-dessus. Ah, tu veux? C'est toi qui l'as demandé. C'est écœurant. C'est qui chante ça, Mathieu? C'est Artist of the Year. Faudrait que je me procure ça parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Ouais, ben, tu serais gâté par ces chansons à ce groupe. Par contre, la plupart chantent pas dessus. C'est écœurant. J'ai pas de contrôle sur quand est-ce qu'il chante, hein, donc... Bon! Sur ce, on va écouter Alex Nevsky avec la pièce « Mille raisons ». Voilà, vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Now I found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing. Dancing, dancing, dancing, dancing. Massachusetts. In Massachusetts. Avec la pièce Massachusetts de leur album The Orchard, c'est à la 10e position. Et enfin, on a entendu Alex Nevsky avec À mille raisons. Ça monte de deux places. C'est pas À mille raisons la pièce, c'est juste mille raisons, même si c'était comme un A comme dans mille raisons. Ça. Excellente pièce. Oui, merci de ne pas faire référence du tout que je viens de dire. C'est ce qu'il faut faire avec moi. T'as-tu compris? T'as compris la technique du Mathieu Plante? Il faut complètement ignorer ça. Faut planter. Comme dans Mathieu Plante. Pour mieux récolter. Bon, on est rendu aux positions numéro 9. Tout à l'heure, plus tard dans l'émission, il va y avoir la chronique Guess What avec Stéphanie Gagné sur les choses culturelles et artistiques qui se déroulent comme ça dans la vie de tous les jours. Les artistes font des choses, sortent des produits, des choses à acheter, des choses à regarder, des choses à... Non? Ouais. À écouter. Ouais, surtout. C'est dur, tu sais, faut trouver des nouvelles phrases des fois, puis elles sont pas toujours bonnes. Hein. On va parler des Academy Awards tantôt. Cool. Ça déroulait la semaine passée, dimanche. Très long. Très, apparemment très que James Franco était pas très, très entraîné. Ok, pas bon animateur. Non. Anne Hathaway, elle a pris sur ses épaules tout le long. Là. C'est elle qui menait le show. Là. Mais lui, non, il regardait même pas la caméra. Pas vrai. Trop gêné. C'était comme ça, là. Puis regardait dans le coin en haut à droite, puis il faisait ça, puis il parlait. Étrange. Bref, on va en parler tantôt dans la troisième heure. Voilà, mais pour l'instant, 9e position anglophone, c'est Wolf & Cobb avec 7-7. Ça descend de 6 places. Et on commence avec Panache avec la pièce Le Genou de Claire, qui monte de 6 positions. Vous écoutez ce qu'on appelle dans le domaine un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Ça, c'est la définition des palmarès Sifu. Prenez des notes. Test la semaine prochaine. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête. Il est peut-être, peut-être, peut-être. Oui, non, je veux connaître le Rubicon et la conquête. Quand ma main sur son genou, le genou de Claire. Je pense que...

Wolf Fan Cub, la chanson préférée de Mathieu. Oui! Elle a descendu, on dirait, parce que, tu sais, des fois, on fait tout le temps... quand on aime quelque chose, vraiment, on le fait beaucoup jouer à Assemblage Requis. On a quand même 8 heures par semaine, pas une comme toi, tu sais, mettons. Fait qu'on peut se permettre de jouer plusieurs fois la même pièce ou le même artiste. Et puis, à un moment donné, ben, tu fais comme, « Ah, il me semble que je la joue souvent, je suis sûr que le monde va trouver que je la joue trop. Je vais arrêter, puis là, t'arrêtes complètement de la jouer. » Puis ben, elle redescend l'impalance. C'est dommage pour Warfare Cup, mais bon. Avant ça, du côté franco, on a entendu Panache avec le genou de Claire. Ça monte de 6 places, 4e semaine de présence. Et leur album est homonyme, donc ça s'appelle, comment, devine? J'en ai aucune idée, je suis toute perdue. Claire, genou, non, Panache. On est rendu où? Claire, genou. On est rendu aux 8e place. Tout à l'heure, Stéphanie s'en vient, en fait, déjà là. Ouais. Mais je vais te forcer à sortir du studio. Et revenir pour ma chronique. Oui, parce que le band va t'accueillir avec la petite musique, là. Non? Ouais. Le band, j'aimerais ça que Radio-Radio soit là à chaque fois que ma chronique commence. Guess what? Guess what? Ce serait débile. Génial. Ça s'en vient dans environ une 35aine de minutes. Ouais, à peu près, dans ces coins-là. Mais avant, position numéro 8 du côté anglo, j'irais même en regardant ça qu'on a dépassé la moitié du palmarès pour vrai cette fois-ci. T'es fort. Fort, hein? T'es vraiment fort. En anglo, c'est Diamond Rings avec Wait and See, ça monte de 2 places. Et en franco, c'est la pièce All In de Martin Léon qui monte de 3 positions. En fait, je sais pas, on commence à s'éloigner de la moitié, ça fait quand même un petit bout. Fait que je l'ai dit beaucoup trop avant et beaucoup trop après. Il aurait fallu le dire direct dans le milieu. Je suis pas de même, je suis un rebelle. un robot. Les conventions, là, non, on oublie ça. C'est à peu près ça. On peut arrêter de parler, c'est bon. Okay. L'éternel été parfaitement fait l'un pour l'autre, comme de cocos et palmiers. Le vent chaud les unit, et quelques perles aussi, quelques perles aussi. Maria, Maria, Mario, en riant, je m'explique en quelques mots. Des jolies femmes et sensuelles, bonnes et méduses quand il le faut. Elles chantaient ce refrain pour monter des bateaux. Et donner de l'entrain aux matelots. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you. Business. Héritier de naissance, n'avait guère le sens des affaires et penchait pour les vacances. Débarqua sur le port, mira sa montre en or en chantant le feu au corps. Ah, are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If you're all in for this, say yes I do. And I, until the end, shall be with you. De l'aurore à la nuit, puis son compte à rebours dans le détour quand il s'est endormi. Les murs de la chapelle, les saints, les confettis chantent encore son naufrage aujourd'hui. Are you all in for business? 'Cause I'm all in for business too. If

Et oui, on est déjà rendu aux positions numéro 7. Et après ça, on va rentrer à un moment donné, éventuellement, là, je vous avertis à l'avance, là, dans le top 5, éventuellement. Ouh, c'est là. Stressant. C'est moi, tu me vois là, la main shake. C'est de l'acting à chaque, pas vrai, à chaque un peu, par exemple. Même quand je bouge pas, à chaque un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, pas si pire. Moi aussi. C'est comme si on avait bu genre full café pour être de bonne humeur de même à la radio. Ha ha ha, tout le monde est content. Non, moi, il n'y a pas de sucre, mais il doit avoir de la caféine là-dedans. Sûrement. Je pense que oui. Ouais, parce que sinon, il ne ferait pas un inséré de nom de la liqueur ici. Diète sans caféine. Tu sais, t'as vu ça, c'est or à la place d'être gris, là? Non. Diète sans caféine. Ça, ça doit pas coûter grand-chose. Hein? Tellement pas. Et... C'est un moment inconfortable qu'on vient de vivre ensemble. On est rendu position numéro 7 du côté anglophone. C'est The Rural Alberta Advantage avec Stamp. Ça monte de la 16e place. Tu voulais pas calculer. C'est 7, 8, 9, 9, 9 positions. Et côté franco, c'est Jérôme Minière avec le café espagnol qui monte de 7 positions. Bravo. Merci. T'es fort. Calcul mental, là. On dirait une caissière dans un restaurant. Et la fille qui fait les choses aussi, pas juste caissière. Ouais. Changer le monde, évanoui en une seconde, les certitudes les plus profondes. En échange, quelques grimaces, un dimanche à faire le singe, un instant, un accent, ou bien quelques pas de danse dans un jardin sous la neige, un baiser dans le cou du temps. Tu es parti un peu plus loin, aimanté par l'horizon, tu avais la conviction. Ailleurs ce serait mieux. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol. Café espagnol. Oui, on se retrouvait là, au café espagnol. À dériver sur un autre temps, un océan dans un vieux bol. Sous la pluie folle du quotidien, tout a sombré dans l'oubli. Fais gestes et amis, tout a sombré dans l'oubli. L'on se retrouve encore, tout au fond de ma mémoire. Et l'on se retrouve encore, au café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Partir si loin, sans penser à demain, car même sans bouger, il nous faudra déjouer le piège du temps, d'un geste de la main, effacer la distance à l'endroit où elle commence. On se retrouve encore, tout au fond de ma mémoire. Et on se retrouve encore, au café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol.

6. Long ago and far away, this is how I learned to win the war. The last thing I remember was the coming of the storm. I was warned. This is how I learned to win the war. And frozen hearts, far as my eyes can see, shine so bright in the morning light, but the burden's so heavy they break in the night. How I learned to win the war. Last thing I remember was the coming of the storm. I was warned. Wing and Hollow avec la pièce Frozen Trees, ça monte de 2 positions, c'est maintenant à la 6e. Avant, ce côté franco, c'était Bio Bazar avec Moon Queen, ça monte de 2 places sur l'album Whale's Vagina. C'est bon de dire Whale's Vagina à la radio. Tantôt, j'ai dit fuck, hein? Et puis là, je dis vagina. Tu te laisses beaucoup trop aller, je pense. C'est la radio sans limite. maintenant, c'est le moment de la chronique des nouvelles culturelles et artistiques. Voici Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? On n'est peut-être pas l'ultime radio. Un coche en dessous, comme disait Nick Ducharme tantôt. Mais... Il va revenir en studio, là. Check bien ça. Faut pas faire référence à Nicolas, sinon 3, 2, 1. Il a manqué sa chance. Donc, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe dans le monde artistique cette semaine? Tantôt, j'ai dit que j'allais parler des Academy Awards. Alors voilà, vraiment rien d'étonnant. The King's Speech a gagné pour meilleur film. Moi, je votais un peu pour The Social Network, mais je suis pas très étonnée parce que c'est assez classique, disons là, comme gala. Donc c'était pas mal certain que The King's Speech allait gagner. C'est assez classique comme film. Donc c'est eux autres qui ont gagné. C'est eux qui ont gagné aussi. Ils ont gagné 4 prix au total, autant que pour Inception. Ils ont, à part meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur pour Colin Firth et aussi meilleur scénario original. Meilleure actrice, j'étais très contente, Natalie Portman, qui a gagné pour Black Swan, film écœurant. Fait que j'étais vraiment super contente. The Fighter qui a gagné pour les deux acteurs de soutien. Christian Bell et actrice de soutien Melissa Leo. The Social Network a gagné quelques prix, trois prix. Meilleure adaptation, meilleur montage et meilleure musique. Meilleure musique était de Trent Reznor. Donc, assez cool. Trent Reznor qui gagne un Oscar, c'est assez spécial. Mais bon, je suis quand même content pour eux autres. Et pour Inception, quatre prix, comme j'ai dit. Meilleure direction photo, meilleur effet spéciaux, meilleur montage sonore et meilleur mix sonore. Alors, on voit que la plupart des prix, ce sont, c'était pas diversifié. C'était vraiment quelques films qui étaient très populaires. Alors, voilà. C'est ça pour les Oscars. Est-ce que tu les écoutais dimanche? Non. Moi, les galas, je trouve ça un petit peu long. C'est vrai que c'est long. Et pas tout à fait intéressant à regarder pour moi, je trouve. Moi, je les écoute toutes, mais surtout que l'année passée, je les avais écoutées. C'était la première fois que je les écoutais au complet, les Academy Awards. Et ça m'a donné plein de suggestions de films que j'avais pas vus encore. Donc, c'était pas vraiment pour voir qui allait gagner, parce que j'avais pas de favori vu que j'avais pas écouté les films, mais après ça m'a donné plein d'idées de films à voir, comme là Inception, j'ai écouté Social Network aussi, mais il me reste encore The Fighter et The King's Speech qu'il faut que j'écoute. On en a beaucoup parlé, The King's Speech. Exactement, sur le Big Game d'un roi. À ce qui paraît, c'est super bon, mais j'ai des amis qui sont allés voir et ils ont dit que oui, c'est bon, mais pas autant que les gens disent que ça changera pas le monde. Ok, c'est comme Arcade Fire, c'est pas aussi bon que Justin Bieber, c'est ça, genre? Non. La comparaison, tu trouves pas qu'elle a un certain point intellectuel, peut-être? Non? Ouais, peut-être. Bref. Ça reste à voir, j'ai pas vu encore le film, fait que je peux rien dire. Bon, on parlait de James Franco qui a animé avec Anne Hathaway. Apparemment, que le gars était tout à fait dans la lune et pas très, très confortable devant les caméras. Tellement pas à l'aise comme animateur. Là. Pourtant, c'est vraiment un bon acteur. Moi, je l'aime bien. J'ai écouté hier soir 127 heures et justement, James Franco est en nomination pour meilleur acteur pour ce film-là. Mais quelle déception comme animateur. Et Anne Hathaway aussi, elle l'a pas tellement, mais elle l'essayait. Là. Tu voyais qu'il avait du vouloir. Lui, on dirait qu'il s'en foutait complètement. Quel drôle de choix de choisir deux personnes qui ont jamais rien animé. Ouais. À part peut-être genre un épisode de Saturday Night Live ou quelque chose comme ça. Peut-être. Que t'animes pendant trois minutes. Le reste, tu joues dans des sketchs en tant qu'acteur. Fait que c'est pas vraiment représentatif de ton talent d'animateur. Là. Mais bon. Ouais, c'était vraiment... non, c'était pas fort. Ouais. Enfin bref. Mais c'est vrai que c'était tellement long. Pourquoi? Là. Ah, sérieusement, c'est comme le Super Bowl, là. Voyons donc, cette affaire-là, avec le Red Carpet Arrival. Tu portes qui comme robe? On s'en sac dessus. Mais apparemment que non, on s'en sac pas du tout. Arrête, je pense que le bout le plus intéressant des Oscars, c'est le Red Carpet. Ben oui. Parce qu'au moins, là, les stars, on dirait qu'ils sont... pourtant, c'est pas encore commencé, mais ils ont l'air moins stressés, ils sont plus détendus, ils jasent, ils sont pas comme quand ils gagnent un prix, puis là, ils nomment toutes les personnes au monde qu'ils connaissent pour les remercier. Au monde ou ailleurs en haut, là. Ah, c'est long, c'est tellement long. Ouais. Puis le speech de Natalie Portman était plate aussi, mais bon, au moins, je suis contente qu'elle ait gagné. Mm-hmm. Pas trop heureuse. Alors, c'est ça pour les Academy Awards. C'est en masse. Je vais passer aux prochaines nouvelles un petit peu plus courtes. Nouveau clip pour The Strokes pour la pièce qui est sortie il n'y a pas si longtemps, Undercover of Darkness. Je rappelle que l'album Angles sort le 22 mars prochain. Et il y a aussi une nouvelle pièce qui est sortie, la pièce You're So Right, qui est sortie cette semaine. Je l'aime un petit peu moins. La voix de Julian Casablancas est assez synthétisée. Alors, j'ai moins aimé que Undercover of Darkness. Il y a de l'autotune tellement là-dessus, genre. Puis ouais. On n'aime pas, pas ça. Pas capable. Ensuite, Hooded Fang a annoncé une tournée canadienne. Il y a beaucoup de dates avec Rural Alberta Advantage. Mais malheureusement, le seul spectacle qui est au Québec, c'est pas avec eux. Ça va être le 19 mars au Divan Orange, si vous voulez voir Hooded Fang. Aussi, j'ai parlé plusieurs fois de BDI, le nouveau groupe de Liam Gallagher, qui est en fait Oasis sans Noel Gallagher. Oui, sans le frère de l'autre. Exactement. Et cette semaine, Liam Gallagher a vraiment fait parler de lui. Il a parlé en entrevue du nouvel album de BDI qui est sorti cette semaine, avant-hier. Et il a dit que l'album était meilleur que l'album le plus aimé de Oasis, leur premier album, Definitely Maybe. Il a dit qu'il avait mieux joué, que la production était meilleure et qu'il chantait mieux, ce que je doute fortement parce que j'étais allée voir Oasis en spectacle et Liam Gallagher avait zéro voix. Je sais pas si c'était juste ce soir-là que ça allait pas bien, il avait une grippe ou peu importe, mais c'était rien comparé à sur CD. Là. Est-ce qu'il a dit que le groupe était plus populaire que Jésus aussi? Ça, si tu veux faire un commentaire qui va faire controverse. C'est les Beatles qui avaient dit ça ou quelque chose de genre. Un groupe de musique qui avait dit on est plus populaire que les Beatles. Oui. Que Jésus. Que Jésus. Ouais. Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais je sais que j'ai lu ça cette année. Oh mon Dieu! Il va falloir que je trouve ça parce que je vais penser à ça toute la soirée. Excuse-moi, je voulais pas créer un aussi grand. Tu vas l'avoir sur le bout de la langue jusqu'à la fin de la chronique. Et il y a, dans une autre entrevue, Liam Gallagher a parlé du nouvel album de Radiohead, The King of Limbs, qui est sorti la semaine dernière. Il y a quelques sites qui ont aimé le CD de Radiohead. Personnellement, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à un projet solo, au projet solo de Thom Yorke qui a sorti il y a quelques années. Mais Liam a une opinion très négative sur l'album. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Par contre, c'est en anglais et je vais censurer parce qu'il y a beaucoup de sacs. Rien d'étonnant pour Liam Gallagher. OK. Dis-le en anglais, sac au pire. I heard that Radiohead record and I just go, what? I like to think that what we do well. Them writing a song about a tree, give me a break. Uh-huh. Enfin bref, et ça continue, go yourself. Etc. Hey, il est vraiment là, très peu sympathique envers Radiohead, un groupe énorme qui est adoré par beaucoup de personnes. Donc, c'est assez quelque chose que Liam Gallagher ait parlé comme ça de Radiohead. Mais enfin, bref, il aime faire parler de lui, il aime causer beaucoup de controverses. Ensuite de ça, beaucoup de sorties d'albums cette semaine. Je voulais juste les mentionner comme ça parce qu'il y a quand même plusieurs albums. Premièrement, je viens de parler de BDI. Ils ont sorti leur album cette semaine, Different Gears Still Speeding. Il y a aussi le nouvel album de Monogrenade Tantal. Licky Lee avec Wounded Rhymes. The Rural Alberta Advantage avec leur album Departing. Et The Pretty Reckless avec l'album Light Me Up. Et dernière nouvelle, nouveau vidéoclip. C'est pour le groupe Waves pour la pièce King of the Beach. Clip égal à eux-mêmes, je dirais. On les voit en train de prendre de la drogue, de se faire tatouer et de se promener comme des rois avec des couronnes. C'est très Waves. Mm-hmm. Alors, on va justement aller écouter cette pièce-là, King of the Beach, The Waves. Parfait. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait mes recherches sur la citation. C'est qui? C'est vraiment John Lennon des Beatles qui avait dit ça. En fait, cette citation complète, c'est « Nous sommes plus populaires maintenant que Jésus. Je ne sais pas lequel va partir en premier. Est-ce que ce sera le rock'n'roll ou la religion chrétienne? Maintenant. » Et puis, ça a causé plein de choses plus tard. Le genre, ça n'a pas été remarqué en Angleterre, mais ça a été remarqué quelques mois plus tard quand c'était publié dans un magazine. Les États-Unis, les Américains ont pris... Ils en ont reparlé il n'y a pas si longtemps. En tout cas, dans la dernière année, ils en ont reparlé. Ouais. Bref. Alors, tu voulais qu'on écoute Waves avec King of the Beach. C'est ce qu'on va faire à l'instant dans ton bloc Guess What? Au Palmarès, c'est fou. Captain Hat. Kids avec la pièce King of the Beach, une pièce sur laquelle ils ont un nouveau clip maintenant. Eh ben! C'était dans la chronique Guess What sur les nouvelles artistiques et culturelles avec Stéphanie Gagné. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Fuck you pas du tout parce que toi, je te dis pas ça. Parce que t'es fin. Ah, oh, c'était gentil. Voilà. On retourne dans nos palmarès, c'est fou, on est rendu au position numéro 5. Du côté anglo, c'est Tokyo Police Club avec End of the Spark, ça monte de deux places. Et côté franco, c'est la formation Vanesse Parietar avec la pièce Archipel qui reste stable en cette troisième semaine au palmarès. Vous êtes au palmarès, c'est fou, comme tu dis, au 89 FM, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, the best ever, à chaque semaine. See when a piece of

Avec la pièce Cut It Up, c'était à la quatrième position, ça descend de 2. Du côté franco, c'était Eugénie Lecheval avec Appartement, c'est stable sur le maxi Appartement / 1955, parce qu'il y a deux pièces dessus, une qui s'appelle Appartement et l'autre 1955. Comment t'as fait pour deviner ça? Je sais pas, je suis vite de même. T'as un talent. Zoom, zoom, plus vite que l'éclair. Oui, et que les voitures là, avec le slogan Zoom, zoom. Là. Ah, oh, c'est vroom vroom en français. Vroom vroom. La blague marche pas parce qu'en anglais, c'est zoom zoom. Parce qu'en zoom, anglais, zoom. Les voitures, ils font zoom. Et non vroom. Non, c'est ça. On sait quand on change de langue, tout change. Tout change. Change de province, mettons. Là. Donc, allons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, Stéphanie, parce que bon, je te prendrai rien en te disant hein, que les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 10 francophone, 20 même francophones. Oh! On disait top 10 de vlogeant 5 ans quand il y avait un top 10 francophone. Et un top 20 anglophone, c'est aussi... un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. Wow! Tout hein? ça en un seul palmarès. You didn't know that? Oh my God! Oh my God! Nouvelle entrée en position numéro 1. En fait, du côté du top 30 des CD, il y en a comme 5 en ce moment. En 30e, Shane Phillip avec Life Love Music. En 29e, White Cowbell Oklahoma avec Viva Live Locos. Et en 28e, The New Jacobin Club avec This Treason, de la misère à lire. En 27e, Eve Hell and the Razors. Mais c'est quoi ces noms d'affaires-là? C'est pas trop dur à lire. Avec When the Light Goes Out. Et finalement, en 20e place, c'est Mother Mother avec Eureka. Et en 3e position, Sufjan Stevens avec The Age of Odds qui monte de 3. 2e position, Chili Gonzalez avec Ivory Tower. Et Braids qui reste stable en première position avec l'album Native Speaker. Le top 3 des disques canadiens est quand même assez différent du top 3 des disques au complet. Là. En 3e, c'est Atomic Baobab avec Atomic Baobab EP. En 2e, Chili Gonzalez avec Ivory Tower. Et en 1e, c'est Braids avec Native Speaker. On comprend donc que la 3e est la seule position qui n'est pas pareille aux autres. Alors, c'est quand même assez différent. Mais aujourd'hui, moi, je fais des suppositions. Ouais, comme à la 13e position, on est rendu à moitié. Puis à la 8e, on est aussi à moitié. Et voilà. Et voilà. Côté top 10 électronique maintenant, Stéphanie, il y a 4 nouvelles entrées. En 10e, c'est The Pearls Syndicate avec Cinematic Blue. En 5e, Natalie Bridges, /TBA avec Forgetfulness. En 4e, Sister Crayon avec Below. Et la prochaine nouvelle entrée est le numéro 1, donc je te laisse faire le top 3. Bon. Top 3, troisième position, Code Copy avec Zonoscope. Deuxième position, Covenant avec Modern Room. Et première position, qui est aussi une nouvelle entrée, c'est Semiomime avec From Memory. C'est ça que tu t'as demandé comment le prononcer? Oui, je le regardais tout croche, c'est comme Semiomime. Semiomime. Allez, go. Top 10 Loud, maintenant, pas de nouvelles entrées. Donc, top 3. En troisième, c'est Lazarus AD avec Black Rivers Flow. En deuxième, c'est The Ghost avec Opus Eponymous. Et en première, c'est Stable. Quatrième semaine de présence pour Motorhead et The World is Yours. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est ma prononciation de Yours. Za. Je savais que t'aimerais ça. Alors, on est rendu aux positions numéro 3. On va entendre les 3 et 2 de suite. Donc, en deuxième, tout à l'heure, Cardinal et Chili Gonzalez. En troisième, Anglo, c'est Sufjan Stevens avec I Want to Be Well. Et on commence avec la troisième Franco. On commence avec troisième Franco. Karim avec la pièce Météor qui était numéro 1 la semaine passée. Donc on a un nouveau numéro 1 côté francophone. Aïe aïe! Et est-ce que t'étais en train de faire comme si, dans le fond, ce que j'ai dit, c'était pas très clair, hein, comme façon de le dire, c'est ça? Ouais, tu m'as perdu. Ouais, c'est ça. Je suis un rebelle. Je fais pas les affaires comme tout le monde. Hein. Regarde. Je vois bien ça. Ouais. Je devrais peut-être, hein. Ouais. J'ai vu quelque chose d'étrange qui faisait beaucoup de lumière. Je sais de quoi ça a l'air. Oh, ciel! J'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre. Puis qu'est-ce que c'est à l'envers? Puis tu sais, il faut que tu me ranges. T'auras jamais pris ta revanche demain. Oh, ciel! J'ai juré voir. C'est pas dur à comprendre, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais comment ça sonne, je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh, ciel, une menace venue de l'espace, tu sais comment ça se passe, toute la planète est en crise. Chose de même qui ah, alléluia, tu sais comment me prendre. Toi et ton cœur tendre. On n'a jamais rien vu comme ça. Y'a des mensonges sur les ondes. Pour moi pis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Y'a des photographic, all the memory people are. Sufjan Stevens et I Wanna Be Well en troisième anglophone. On va Oui, on va sauter directement par-dessus Chilly Gonzalez avec Never Stop en deuxième. On va aller à la position numéro 2, francophone, cardinal et une fin heureuse. Et après ça, on revient, puis on va avoir nos numéro 1, puis ça devrait rentrer dans le temps. OK? C'est bon? Pas de niaisage. Non, arrête de parler. Arrête de parler. Steph, arrête de parler. Si on y croit. Rêvera Cardinal et une fin heureuse en position numéro 2 francophone. C'est sur la compilation 15e édition des Francs couvertes. Et c'est stable. Oui, et la pièce qu'on a passée par-dessus en deuxième position anglophone, c'est Chili Gonzalez avec la pièce Never Stop. C'est la fin presque des palmarès, c'est fou. On va se quitter avec les positions numéro 1. En franco, c'est Galaxy avec Piste 1 qui monte de 5 places. Et en anglophone, c'est Braids qui reste stable avec Plath Heart. Les auditeurs du jeudi vont rester avec Stéphanie qui va animer une pêche en mission à 17h. Qu'est-ce qui s'en vient? Entrevue avec Alexandre Desilets dans la deuxième partie de l'émission. Sinon, on va entendre une pièce de chaque nouvelle entrée que je vous ai parlé cette semaine, des albums qui sont sortis cette semaine, Monogralad, Licky Lee, Rural Albert Advantage, The Pretty Reckless et BDI. C'était une première émission à 17h. Restez à l'écoute. Les auditeurs du vendredi, eux, vont retourner avec les Lutins de l'Enfer à partir de 20h. Amusez-vous avec eux et party all night long. Sinon, on se retrouve jeudi prochain à 13h avec C'était fou et à 14h avec les Palmarès C'est fou. Il y a aussi Assemblage requise lundi au jeudi à 7h avec moi-même et François-Olivier Marchand. Passez une excellente semaine et puis n'oubliez pas d'écouter le vestibule pour entendre des extraits du Top 10 électronique. Ça se passe les samedis soirs à partir de 21h. Bonne émission, Stéphanie. Merci, bye-bye, à la semaine prochaine. Bye, je rappelle les numéros 1, Galaxy et Braid. C'est avec ça qu'on se quitte. Bye-bye.